Don Vince, mafioso. Le gang, les hommes, c'est le son des kills, de kills, pop et des kills. Plein en coco, j'ai pécho, la dégégé, danse sur le vote, pour en roquet. Comme kamikaze, le kamikaze, qui dans la loose, cruise. Un truc de fils de pute, brut comme Los Angeles, c'est ça ta bouse. Où tu veux, tu es. J'reste primitif, actif, compétitif, s'adresse et diff, presse et dis. Mon empire crée la peur chez les adversaires pour dire qu'on est de la merde. Hey, j'écrase ces crétins qui croisent mon regard de braise croix. Faire fléchir le roi, l'espoir est un rêve. Homicide quand on remet ça, ça tu crées. Dans l'instant, t'es pas content, j'ai pas d'inquiétant. T'es sous ma chenille, arrête de chialer les chiens. Tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit. Oh oui. Pose des tas de questions, enquête perpétuelle sur le fonctionnement du monde qui nous encercle, qui nous parque dans des enclos, traité comme du bétail, trié, vendu au détail. L'âme de l'homme se perd sans terre, les yeux clos, n'empêche pas les larmes de couler, les armes de tuer, les yeux clos, pour ne plus voir, mais laisser faire, se taire, rien dire, et laisser le mal agir, grandir, conscient et complice. On a le sentiment d'être impuissant, inutile, face à leur agile. Manipulation, l'action des masses annihilée par la lassitude, l'amertume dans l'attitude, une habitude d'avoir la vie rude, et trouver ça normal, réfléchir, et se connaître, prendre à renaître, hey, découvrir l'universalité de l'être et chier sur leur tête. T-E-N-B-I-N-C-E-N-Z, oh, chaud comme une presse brûlante, bouillant comme un volcan, puissant comme un dieu, excellent comme un mange-moi, encore adulte, adore ce rap d'or, la richesse dans l'âme, ouvrir les yeux sur le drame, alerter et condamner ces illuminés qui considèrent l'humain comme une marchandise, agir afin que leur corps gise à mes pieds, réfléchir sur le meilleur moyen d'y parvenir, prendre conscience de sa force, la volonté plus puissante que la monnaie donnée à l'armée, les anéantir eux et leurs gardes, monter en grade, balancer à son crâne, les accrocher au bout d'une corde et les pendre, et les prendre et les faire souffrir, assouvir la vengeance, ma vengeance, ouais, celle de la folie en furie, et qu'ils payent le prix du sang versé, en inversé, expliquer le but d'exciter la foule et fais ce que t'as envie, mais agite-toi, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, oh oui, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, oh oui. En diamant, le cœur en cristal, le pied dans le ciment, les yeux vers le ciel. Ouais, je poursuis cette guerre seul pour exister sans trop ouvrir ma gueule. Car le trône de mon col qui se trouve beau et fort, parle fort, rigole fort, on dit de la merde. La vie, cette chaîne que je baise allègrement, car j'ai plus le temps vu que tout part en couille. Je profite à l'aise, j'évite les contretemps. Tant que le nucléaire n'a pas explosé, je m'extase sur le pool des chaînes exposées. Mon exode est virtuel, décor de rêve peint à la ruelle. Histoire de cul, de thunes pour fuir les ruelles. Check les demoiselles tant qu'il est temps, tant les temps sont sombres. J'explose les tympans, un coup de clap, de claque et d'autres claques explosent sous les pans des armes à feu. J'allume la mèche pour faire péter la bombe que sont nos générations sans futur. Pas d'avenir donc pas de vie, c'est simple comme détruire. Puis rire noir comme une série B qui dévoile son. C'est là. Tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit, tu te nourris de mon bruit.